Les Norvégiens, avant qu'ils reçoivent les lumières de l'Évangile, croyaient que, quand l'âme d'une personne quittait son corps, parfois un démon saisissait l'occasion d'occuper un corps humain entier. C'est dans ce contexte que Saxo Grammaticus, chroniqueur norvégien du XIIe siècle, raconte l'histoire d'Asmund et Asuøy, deux princes norses, qui s'étaient prêtés fraternité d'armes, s'engageant à se porter secours en toute situation, quel que fût le danger. Ils se promirent par serment qu'à la mort de l'un, le survivant descendrait dans la tombe de son frère d'armes, s'y enfermer avec lui, et combattre un éventuel démon. Le jour qu'Asuøy fut tué dans une bataille, comme il était prince, on creusa un tumulus, ou tunnel souterrain. On y construit une solide voûte, on descendit les chevaux et les armes des deux frères d'armes. On déposa le défunt sur la pierre, tandis qu'Asmund, sans hésiter, s'assit près de lui dans son appareil de guerrier. Puis les hommes posèrent une large pierre à l'ouverture du tumulus, et se dispersèrent. Quelques jours après, accompagné d'une troupe de vaillants engagés dans une guerre périlleuse, un seigneur suédois traversa la vallée, qui portait le nom des deux frères d'armes, et passant près du tumulus, il entendit l'histoire des deux héros, et fit ouvrir le tombeau pour y prendre les armes. Dès que les soldats en firent l'ouverture, ils s'immobilisèrent, frappés d'entendre sortir de cette tombe, des cris et des cliquetis d'armes, comme dans un combat enragé. Un jeune soldat descendit, les reins noués à une corde, mais dès qu'il posa le pied au sol, quelqu'un prit la corde et remonta. Cet homme était le prince Asmund. Il avait son armure en pièces, l'épée à la main, et son visage portait des marques de griffes du côté gauche. On retira aussi le vaillant soldat qui était descendu. Le chroniqueur Saxo mentionne qu'au sortir de son emprisonnement, Asmund avait récité devant les hommes une série de versets ayant comme refrain « Pourquoi êtes-vous consterné de me voir ainsi dépourvu de couleur ? Comment un homme, qui vit avec des morts, ne peut-il pas sortir quelque peu pâle de là ?» Il leur raconta alors, avec enthousiasme, l'histoire de son combat. Après que la tombe fut fermée, un démon de l'espèce des goules avait saisi le mort. Il s'était jeté sur les chevaux et les avait mangés. Puis quand vint le tour d'Asmund, le valeureux prince prit ses armes pour se défendre contre ce démon. Il avait enfoncé sa lance dans sa poitrine et l'immobilisa, ce qui fit déloger le démon. Le combat se termina sur la victoire d'Asmund. Après avoir dit son récit, Asmund tomba mort. On l'enterra, puis on brûla le corps d'Asuøy, et ses cendres furent jetées au vent.